Salut, c'est Serge. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour partager nos coups de cœur sur Fadjet. Un coup de projecteur sur un artiste, des chansons pour illustrer son univers, sans oublier de nombreuses nouveautés. Vous pourrez ainsi retrouver celles et ceux qui sont ou seront à tout jamais gravés dans votre mémoire. Je compte sur vous chaque jeudi, émission coup de cœur à partir de 17h.